Le Squad Mat est un précurseur du coaching. Même si QSM est tout le JR Ewing, il fait vociférer ses troupes à l'unisson sous l'influence manifeste du baron. QSM, tap, tap, tap, QSM, tap, tap, tap, QSM, tap, tap, tap, QSM, tap, tap, tap. Le mentorat est véritablement démoniaque. QSM prend des notes et repart à l'attaque. QSM tape, te plaque et te claque sous les précieux conseils du baron de l'Estac. Le mentorat est véritablement démoniaque. QSM prend des notes et repart à l'attaque. QSM te tape, te plaque et te plaque sous les précieux conseils du baron de l'Estac. QSM est mauvais, ils cherchent la perfection. Ils vont monter le son aux affaires du baron. Ils sont maîtres dans l'air.